Deuxième partie de l'enregistrement. Nos promenades découvertes ont lieu le samedi ou le dimanche. Au programme, Caen, histoire d'une cité normande, ou Caen, une ville reconstruite de bout en bout. Nos tarifs sont, pour les adultes, 5 euros par personne, 4,50 euros pour les scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi, et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Attention, il n'y a pas de billetterie sur place le jour de la visite. Vous devez réserver d'avance par téléphone ou sur notre site internet www.ville-caen.fr/tourisme.